Bonjour à tous, on se retrouve dans ce podcast dédié à L'homme qui marche 1 de Alberto Giacometti. C'est parti. Alberto Giacometti est un peintre et un sculpteur d'origine suisse. Il est né à Borgo Nuovo le 10 octobre 1901 et mort le 11 janvier 1966. Il est le fils aîné d'une famille d'artistes, notamment son père, le célèbre peintre Giovanni Giacometti, et a deux frères, Diego et Bruno, ainsi qu'une sœur, Ottilia. Après avoir étudié à l'école des beaux-arts de Genève, il part voyager en Italie puis s'installe à Paris en 1922. Il fréquente l'atelier d'Antoine Braudel, avec qui il travaille à l'Académie de la Grande Chaumière. À Paris, au Louvre, il découvre le cubisme, l'art africain et la statuaire grecque et s'en inspire dans ses créations. Ensuite, il emménage dans le 14e arrondissement, dans la caverne atelier. C'est entre 1926 et 1928 que Giacometti expose ses premières œuvres au Salon des Tuileries avant que son frère Diego travaille avec lui, puis le rejoint dans son atelier. Après plusieurs sculptures apparentées au cubisme, Alberto Giacometti s'intéresse au mouvement surréaliste qu'il intègre en 1931. Il crée des gravures et des dessins pour illustrer des livres et participe à des salons. Lorsque son père décède le 25 juin 1933, Alberto Giacometti est profondément triste et organise une exposition l'année suivante en son hommage. Et quelques années plus tard, il est exclu du groupe surréaliste. Pendant les années 1946-1947, c'est un nouveau style qui s'affirme. L'artiste se met à sculpter de hautes figures humaines, filiformes. En 1947, il expose à New York L'homme qui marche chez son ami le galeriste Pierre Matisse. Il poursuit ses œuvres et devient de plus en plus connu. En 1960, après la première version de 1947, Alberto Giacometti réalise une sculpture reconnue comme un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, L'homme qui marche 1. Cette sculpture de bronze représente une silhouette masculine fantomatique nue. Le corps et la forme du personnage est réduit à l'essentiel puisque la volonté de l'artiste était de créer une œuvre universelle et sans époque. Les bras le long du corps courbés en avant, comme s'il portait un poids, cet homme représente la solitude. Le regard fixe, ses pieds englués dans le sol et sa maigreur sont les caractéristiques de cette œuvre. C'est l'image d'un homme assuré, avançant droit devant lui, droit vers son destin, malgré ses pieds qui semblent être ancrés lourdement dans le sol. La technique utilisée par Giacometti est de modeler le matériel, puis de l'entailler et le creuser pour lui donner une forme et un caractère. Cette sculpture grandeur nature est directement inspirée de L'homme qui marche de Rodin. Et 38 ans après sa création, le public l'a vu apparaître sur les billets de 100 francs suisses.